merci et salut à tous. Et ben bienvenue. Thank you. Thank you. Thank you. merci à toi aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire si je suis trop fort ou beaucoup trop faible. Moi je t'ai monté à mort chez moi, mais c'est parce que je veux être sûr de t'entendre. Facile, ça, Ré d'Orient. Non, on n'est pas obligé de faire Ré d'Orient. Thank you.

Thanks. No te vas. Me voy a callar. Quédate. Voy a cambiarlo. Hear the street. Ah, ouf. Fue el thanks. Me creí que te fuiste. Shall we speed it up a little bit, friends? Yeah, shall we speed it up? Para saber si se puede acelerar un poquito. Sí, muchísimas gracias. Thank you. j'étais chez Tom, il s'est arrêté, il m'a trompé, il m'a menti, mais même peut-être lui ne le savait pas. Va voir quand tu vas partir, quand ton ami te dit c'est pour rire, non, boire une bière encore et encore, mais quand me faire faire. Thank you.